Lettre deuxième. Monsieur Villard à Lady Howard. Berry Hill, Dorsetshire. Vous n'avez que trop bien prévu, madame, l'embarras que m'a causé la lettre de madame Duval. Cependant, en considérant le repos dont j'ai joui depuis tant d'années, j'ai lieu de m'applaudir plutôt que de murmurer de ma situation présente. Je commence du moins à croire que cette méchante femme ouvre son cœur au remords. Quant à la réponse qu'elle attend de ma part, je vous supplie, madame, de lui marquer que je serais fâché de la désobliger en quelque manière que ce soit, mais j'ai des raisons pressantes et même incontestables pour retenir sa petite fille en Angleterre. Le premier de ces motifs est la volonté d'une personne à qui elle doit une entière obéissance. Madame Duval peut être persuadée d'ailleurs que mon élève est traitée avec toute l'attention et toute la tendresse imaginables. Son éducation, quoiqu'au-dessous de mes désirs, excède presque mes moyens, et j'ose me flatter que lorsque le temps viendra où elle ira rendre ses devoirs à sa grand-mère, madame Duval n'aura pas sujet d'être mécontente de mes soins. Je suis sûr, madame, que cette réponse ne vous surprendra point. Madame Duval est, pour une jeune personne, une mauvaise société, et une tout aussi mauvaise surveillante. Sans éducation et sans principe, elle est d'une humeur intraitable, et ses mœurs sont grossières. Je sais que depuis longtemps, elle m'a prise en aversion. Malheureuse créature. Je ne puis l'envisager que comme un objet de pitié. Je n'ai rien à refuser à Madame Mirvan, mais en lui accordant sa demande, j'abrégerai le récit des tristes événements qui ont précédé la naissance de ma pupille. Ils n'ont rien qui puisse intéresser agréablement un cœur aussi sensible que le sien. Vous n'ignorez pas, sans doute, madame, que je fus choisi pour gouverneur de Mr. Evelyn, grand-père de ma jeune pupille. J'eus l'honneur de l'accompagner dans le cours de ses voyages. À peine de retour en Angleterre, il épousa Madame Duval, alors servante de cabaret. Ce mariage fatal fut conclu en dépit des conseils et des instances de tous les amis de Mr. Evelyn. Moi-même, je fus un de ceux qui insistaient le plus pour l'en détourner. Il demeura ferme dans son projet, et peu après il quitta sa patrie pour se fixer en France. La honte et le repentir l'y suivirent. Son cœur était peu fait à de tels sentiments. Avec un caractère excellent et une conduite jusqu'alors sans tache, ce jeune homme n'avait à se reprocher que la faiblesse qui l'empêcha de résister aux attraits de la beauté que la nature avait répandue à pleine main sur sa femme, quoiqu'à tout autre égard, elle l'eût traité en marâtre. Il ne survécut à cette malheureuse union que 2 ans. Avant que d'expirer, il m'écrivit d'une main tremblante le billet suivant. Mon ami, que votre humanité vous fasse oublier un juste ressentiment. Un père qui craint tout pour sa fille la lègue à vos soins. Oh, Villard, écoutez-moi, prenez pitié de moi, secourez-moi. Si les circonstances ne l'avaient permis, j'aurais répondu à ces lignes, en me mettant incessamment en route pour Paris. Mais il me fallut agir par l'entremise d'un ami qui était sur les lieux et qui assista à l'ouverture du testament. Mr. Evelyn me laissait 1000 livres sterling et la tutelle de sa fille jusqu'à ce qu'elle eût atteint l'âge de 18 ans. Il me conjurait, dans les termes les plus pathétiques, de me charger de son éducation jusqu'à ce qu'elle pût se pourvoir elle-même. À l'égard des biens qu'il lui laissait, il la rendait entièrement dépendante de sa mère, à la tendresse de laquelle il la recommandait instamment. Ainsi, sans vouloir confier l'éducation morale de sa fille à une femme aussi mal élevée que Madame Evelyn, il jugea pourtant à propos de lui assurer le respect et les égards qu'elle pouvait exiger de la part d'un enfant. Malheureusement, il ne soupçonna point que la mère fût capable de manquer d'affection et d'équité. Depuis l'âge de 2 ans jusqu'à 18, Miss Evelyn fut élevée sous ma direction. Je me dispense, madame, de vous parler des vertus de cette jeune personne. Elle m'aimait comme son père. Elle fut également attachée à Madame Villard. En un mot, elle me devint si chère que je la quittai avec autant de regret que Madame Villard elle-même, qui bientôt après me fut enlevée par la mort. C'est à cette époque de sa vie que nous nous séparâmes. Sa mère, qui avait épousé M. Duval, la fit venir à Paris. Que ne l'ai-je accompagnée? Peut-être mon appui lui aurait-il épargné les disgrâces qui l'attendaient. Enfin, Madame Duval, pressée par son mari, s'employa avec vivacité, ou plutôt avec tyrannie, à faire réussir le mariage de Miss Evelyn avec l'un des neveux de Mr. Duval. Lorsqu'elle vit échouer ses efforts, le refus de sa fille l'irrita au point qu'elle eut recours aux voies de rigueur, jusqu'à la menacer de l'indigence. Miss Evelyn, pour qui la colère et la violence étaient des sentiments inconnus, se lassa bientôt des procédés de sa mère. Elle eut l'imprudence de donner sa main en cachette à Sir John Belmont, jeune débauché qui n'avait que trop bien réussi à s'insinuer dans ses bonnes grâces. Il promit de la conduire en Angleterre. Il tint parole. « Vous savez le reste, madame. » Dès qu'il vit que la fortune qu'il avait attendue venait à manquer par l'impitoyable animosité des Duval, il eut la bassesse de brûler le certificat du mariage et il nia d'avoir jamais été uni avec Miss Evelyn. Elle vola vers moi pour chercher du secours. Avec quel transport, mêlé de joie et de tristesse, ne la revis-je pas. Elle tâcha, par mes conseils, de rassembler des preuves de son mariage, mais tout fut inutile. Sa crédulité l'avait empêchée de prendre des précautions. Elle n'eut rien à opposer aux ruses du barbare Belmont. Sa jeunesse irréprochable, le libertinage connu de son séducteur, plaidait assez en sa faveur. Tout le monde la jugea innocente, mais ses souffrances étaient trop violentes pour une constitution aussi délicate que la sienne, et le même instant qui donna le jour à son enfant termina ses chagrins et sa vie. La fuite de Miss Evelyn avait rallumé la fureur de Madame Duval. Son ressentiment ne se calma point, tant que respira cette victime de sa cruauté. Il est à croire que son intention était de lui pardonner dans la suite, mais elle n'en eut pas le loisir. Informée de la mort de sa fille, elle s'abandonna à tous les excès de la douleur et tomba dangereusement malade. Mais depuis son rétablissement jusqu'à la date de la lettre qu'elle vous a adressée, madame, elle n'a témoigné que je sache nul désir d'être instruite des circonstances de la mort de Lady Belmont et de la naissance de son enfant. Tant qu'il me restera un souffle de vie, cet enfant ne connaîtra point la perte qu'elle a faite. Je l'ai chérie, soutenue, depuis sa plus tendre enfance jusqu'à l'âge de 13 ans. Elle a tellement récompensé mes soins et ma tendresse que je n'ai plus d'autre vœu à faire que de l'avoir mariée à un honnête homme qui reconnaisse son mérite. Et après avoir eu cette consolation, je ne demande plus qu'à mourir entre ses bras. Ainsi, par un concours fortuit de circonstances, j'ai été chargé de l'éducation du père, de la fille et de la petite fille. Combien de chagrins les deux premiers ne m'ont-ils pas causé? Ah, si le cher rejeton qui me reste était réservé à de pareilles disgrâces, quelle triste issue n'aurait pas eu toutes mes peines, que la fin de mes jours serait remplie d'amertume. Quand même, Madame Duval serait digne de remplir la tâche qu'elle va entreprendre. Je doute que j'eusse assez de force pour lui céder mon élève, mais telle que je la connais, non seulement ma tendresse, mais même les sentiments de l'humanité se révoltent à la seule idée de lui abandonner le dépôt sacré qui m'a été confié. La quitter, moi, qui consentais à peine qu'elle rendît une visite par an au château de Holdgrove. Pardonnez, madame, je ne suis pas insensible à l'honneur que vous nous faites, mais telle est l'impression qu'ont laissé dans mon cœur les calamités de la mer, que je ne perds pas un instant mon élève de vue, sans être agité par des craintes et des frayeurs qui sont plus fortes que moi. Ma tendresse et ma faiblesse vont jusqu'à ce point. Hélas, madame, elle est le seul lien qui m'attache encore à ce monde. J'espère de vos bontés que vous ne jugerez pas mes sentiments avec trop de rigueur. Permettez que je présente mes très humbles respects à madame et à Miss Mirbant. J'ai l'honneur d'être, etc. Arthur Villard.